Dossier 2. Leçon 3. En vacances. Activité 6. Allô, Stéphanie ? C'est Lucie. Mais tu n'es pas en vacances ? Si, je suis en Italie avec Rémi. Il fait beau et chaud. L'Italie est un pays magnifique. Quelle chance vous avez ! Et la mer ? Merveilleuse. Je me baigne tous les matins. Il y a une belle piscine à l'hôtel aussi. Et le soir, restaurant sur la plage. Oh, super ! Je t'appelle à mon retour. D'accord. Bonnes vacances.